Le Parti des ouvriers de Hongrie a présenté dans le journal Szabadság et le en page internet l'œuvre classique du président Kim Il-sung, raffermissant le pouvoir populaire, l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, le grand président Kim Il-sung est l'éternel leader de notre parti et de notre peuple.